L'instant de la vengeance par Edward Phillips Oppenheim. Elle était enfin jugée, la cause célèbre. Les débats avaient duré 5 jours, 5 longs jours d'agonie. Rendu à lui-même, dans l'étroite cellule, sur le banc grossier, à côté à la muraille blanche, l'homme ne gardait plus des faits accomplis que l'impression d'un rêve. Il retombait à sa solitude. Les bruits lointains lui arrivaient dans un bourdonnement chaotique. Le tribunal, sa foule compacte, son intolérable atmosphère, la figure blafarde et parcheminée du juge, les avocats en perruquet, le moutonnement des têtes jusqu'à la porte, tout cela, le rideau tombé, n'évoquait plus à ses yeux que les images de ce qui aurait pu être, comme si tout cela n'eût jamais eu, ni jamais pu avoir, aucune existence réelle. Puis c'était l'odieuse, l'inadmissible histoire, dont les moindres détails tournaient et conspiraient contre lui. Les mensonges d'un autre remis dans sa bouche, les méfaits de son associé pesant de tout leur poids sur ses épaules. Il avait eu, au début, le sentiment d'un atroce martyr, et cela s'était réduit en cendres dans la fournaise de ses jours de torture. La condamnation l'avait à peine touché. Une sorte de torpeur lui engourdissait l'être. À peine eut-il conscience que la porte s'ouvrait. Un homme entra, qui vint s'asseoir à son côté en silence. Cela me fait un vrai chagrin, Monsieur Harewood, commença le solliciteur, que votre procès ait une pareille issue. J'ai l'impression d'un grave déni de justice. Si Carlton eût vécu, il eût à bien des égards pu dégager votre responsabilité. Faute de son témoignage, le tribunal vous a considéré comme de moitié dans ses coupables entreprises. Le condamné ne répondit pas. On lui dit privé de la parole. Quant au solliciteur, son chagrin était sincère. De bonne foi, tout au plus, reprochait-il à son client une légèreté d'homme du monde, trop attaché à son plaisir, et qui s'était entièrement reposé de ses affaires sur un associé sans scrupules. « Le jugement, déclara-t-il, a été beaucoup trop sévère. Tout le monde le désapprouve. Et nous n'en restons pas là. Nous préparons une pétition au ministre. Elle sera certainement signée par le principal représentant de la partie civile. En attendant, si vous avez des recommandations à faire, on vous permettra de voir votre femme. Et quant aux lettres ?» Le banc de bois laissait entre les deux hommes un large espace où s'abattit formidablement le poing de Harewood. « Assez » hurla-t-il. « C'est fini. Ma vie est finie. Je n'ai plus de femme, plus d'enfants. Je ne veux voir et ne verrai personne. Monsieur Harewood, silence. Vous avez fait de votre mieux. Merci. Ce qui arrive me retranche du monde, aussi sûrement que la mort elle-même. Vous pouvez le déclarer à ma famille. Le plus sage pour elle est de se résigner. Ma femme est veuve, mes enfants n'ont plus de père. Il doit rester quelque part un peu d'argent, à eux de se tirer d'affaires. Quant à des visites et à des lettres, non. Aucun fil, si mince soit-il, ne me rattachera au passé, lorsqu'une fois j'aurai franchi le seuil de ma prison. Comprenez-le, une fois pour toutes. Dans quelques mois, risqua le solliciteur, d'une voix conciliante. Dans quelques mois, reprit Harewood, il en sera comme à 7 minutes. On m'a jugé sévèrement peut-être, mais après tout, comme je le mérite, j'ai péché par omission. Je laissais Carlton jouer au ricochet avec l'argent de nos clients, et pendant ce temps je menais joyeuse vie. Ce fut criminel encore plus qu'imbécile. J'admets le jugement qui me condamne, j'expirai. Une clé tourna dans la serrure. « Je n'ouvrirai aucune lettre, » conclut Harewood. « Je ne recevrai aucune visite. J'entrerai sans un nom dans la prison des condamnés. J'en sortirai sans un nom, si jamais j'en sors. »« Vous en sortirez bien avant 15 ans, » proclama l'homme de loi. « Cela m'est égal, » répondit Harewood. « Égal, sauf, toutefois, en ce qui concerne vos enfants, » murmura le solliciteur. « Non. » répondit Harewood avec un accent de rage sourde. « Les enfants de Stephen Carlton !» La pièce d'or reposait sur l'arête du trottoir, à demi cachée sous une mince couche de poussière. « Votre souverain que vous perdez encore, Stephen !» dit à Carlton en lui désignant la pièce, le camarade qui l'accompagnait. « Voilà bien votre chance, quelques tours de plus, et il roulait à l'égout. » Arrêté au milieu de la chaussée, Carlton regardait l'endroit où brillait le rebord du métal, et comme il ne bronchait pas, Son ami le considéra avec surprise. « Je sais que vous êtes un Crésus, Stephen, et que vous remuez l'argent à la pelle. Vous n'avez pourtant pas l'intention d'abandonner ce souverain au balayeur. » Le jeune homme tira de sa poche un étui à cigarette, en choisit une, dont il tassa le bout contre la paroi de l'étui, et l'alluma d'un geste calme. « Au balayeur ? » fit-il, « je ne crois pas. » « À vous dire vrai, mon cher Cyril, j'imagine que la Providence a d'autres vues sur cette malheureuse pièce. Voilà bien la quatrième fois que je la perds en 5 minutes. » L'ami prit une attitude d'homme pratique. « Pourquoi ne pas mettre votre or dans la poche de votre gilet ?»« Vous n'y êtes pas, » répondit Carlton. « Je crois qu'il y a autre chose que ma négligence dans le fait que cette pièce m'a 2 fois glissé des doigts dans le taxicab, et 2 autres fois. » Quand je cherchais de la monnaie pour le conducteur. N'en doutez pas, Cyril. Le destin a sur ce souverain des intentions particulières. Il m'en dépossède. L'ami le dévisagea d'un œil inquiet. Carlton était homme à lubie. Mais positivement, celle-là dépassait les bornes. Vous n'entendez pas le laisser là. Mon cher, c'est précisément ce que je veux faire. Entrons au club et postons-nous à la fenêtre. Nous verrons un peu qui la fortune prendra sous son aile. Allons, tranchait l'ami. Il n'y a pas de doute que vous soyez plus ou moins fou, Stephen. Mais je l'espère, déclara Carlton avec ferveur. Ce monde n'est pas fait pour les sages. Ils emplissent les dépôts de mendicité et les prisons. Entrons, Cyril. Je vous assure que cela m'intéresse de voir à qui doit échoir mon souverain. Debout, dans la cage de la fenêtre, ils observaient. Stephen Carlton était grand et brun, avec des traits pâles, une bouche spirituelle, des yeux vifs et gris, profondément abrités sous des sourcils droits. 10 années d'un travail couronné de succès, mais exceptionnellement pénible, avaient sur sa figure encore jeune marqué leurs traces. Son camarade, Cyril Hanford, se différenciait de lui par moins de carrure, moins d'abandon dans la mise, moins de personnalité. On le sentait qui musait encore sur les petits chemins de l'existence, quand déjà Carlton en occupait les grandes avenues. Mais pour l'instant, il semblait s'être produit entre eux un échange d'identité. Carlton, l'homme d'affaires, cédait à la plus vaine des superstitions, au lieu que Hanford, mieux désigné pour ses sortes de faiblesses, se donnait le ton d'un sceptique. « Un souverain, » dit-il, les yeux fixés sur le pavé. « C'est relativement une somme, et qui, si petite soit-elle, mon cher Stephen, implique certaines possibilités. C'est le prix d'une bouteille de vin, d'un bouquet de violettes pour votre joli dactylographe, d'un fauteuil à l'opéra, d'un pourboire à un maître d'hôtel. C'est même, ajouta-t-il, de quoi m'offrir modestement à déjeuner. Eh bien ?» Son doigt se tendit vers la rue. « Eh bien, le voilà, cet argent qui traîne à terre, délaissé, repoussé comme un objet méprisable. Et pourquoi? Pour on ne sait quelle absurde fantaisie. Ma parole, j'ai bonne envie d'aller le ramasser. Ne dites donc pas de blagues, Cyril, fit Carlton avec bonne humeur. Restez avec moi, et voyons le mortel que désignera la chance. Tenez, quelqu'un arrive. Un gamin passa. Il portait un paquet sous le bras et le sifflet aux lèvres. Il regardait les fenêtres du club. Pas un instant, ses yeux ne descendirent jusqu'au sol. Puis vinrent, bras dessus, bras dessous, 2 hommes qui causaient avec animation, comme s'ils traitaient d'une grosse affaire. Ils n'eurent pas un regard pour le pavé. Une femme suivit, menant un chien en laisse, et ses yeux ne s'abaissèrent que pour admirer ses bottines. Puis ce fut une mendiante. Carlton eut grand-peine à empêcher son ami de s'élancer au dehors. « S'il faut que quelqu'un trouve cet argent, « pourquoi, protestait Hanford, ne serait-ce pas cette pauvre femme ?» Mais Carlton le retint par le bras. « S'il est écrit qu'elle doit voir, elle verra, » dit-il. Elle passa, sans voir. « Cette fois, dit Hanford, voici l'élu, si du moins j'en juge à sa démarche. Il ne quitte pas des yeux le pavé. 2 contre 1 qu'il aperçoit la pièce. Non, il passe, by Jove. Le voilà qui s'arrête. Il tient la pièce, Stephen. » « Il l'a ramassé, vous avez vu ?»« Cette fois, mon vieux, vous pouvez dire adieu à votre souverain. J'ai idée qu'il ne s'en séparerait pas de bonne grâce. » Carlton étudiait avidement le visage de l'homme qui, après un coup d'œil furtif à la ronde, se disposait à poursuivre son chemin. Il ne payait pas de mine, certes, mais tout de même, ses vêtements, son allure, le classaient dans cette catégorie de gens qui savent la valeur exacte d'un souverain. Bâti en force, d'une minceur musclée, les traits durs et rabagés, la démarche lourde et gauche, il était vêtu d'un costume confectionné et ne portait ni gants ni canne. Et néanmoins, il y avait quelque chose en lui qui le distinguait du passant bulgaire. Quelque chose qui piquait au vif la curiosité des deux amis occupés à le regarder s'éloigner. « Un de ces individus, » fit Carlton pensif, « dont il serait difficile de préciser la situation. Sûrement ce n'est pas le décavé ordinaire. »« Ordinaire ou non, il emporte votre souverain, » répondit Hanford en riant. Serrant la pièce entre ses doigts, l'homme descendit la rue. Sa personne, sa façon de se mouvoir, accusait un manque singulier de vitalité. Il allait, traînassant et là, et chacun de ses pas était un acte mécanique. Frôlait-il la manche d'un passant, il tressaillait, comme pris d'alarme. Il s'effaçait d'un geste tout ensemble farouche et timide. L'œil d'un physiologiste l'eût vite situé. À ses manières, à ses allures, on devinait un de ces hommes qui, après un très long temps de solitude, se retrouvent parmi leurs semblables. Il atteignit le Strand, poursuivit son chemin jusqu'à Chancery Lane, traversa un petit square et fit halte tout à coup devant une imposante façade de bureau. Là, pour la première fois depuis qu'il s'était arrêté en apercevant le souverain, un coup de lumière lui balaya le visage. Juste en face de lui, une large plaque de cuivre portait, gravée, le nom de M. Stephen Carlton Jr. et plus bas, en caractère plus petit, ses distinctions légales. Tout sentait la maison prospère. Derrière les stores métalliques se discernaient des rangées de commis. Des visiteurs allaient et venaient, clercs d'avocats à chapeau de soie et petites serviettes noires ou simples clients. L'homme resta quelques minutes sur place. Ses lèvres s'étaient entrouvertes. Sa physionomie avait pris graduellement une expression farouche et cruelle. Il se parlait à lui-même. « Monsieur Stephen Carlton Jr. » murmura-t-il, « le gamin d'Oxford. Il y en a donc un de vivant, à la bonne heure. » Il hésita, comme sur le point d'entrer dans les bureaux. Puis, ayant jeté un coup d'œil sur le souverain, il se ravisa et rebroussa chemin. Mais il n'avait pas fait 10 pas qu'il reçut un autre choc. Un attelage se rangeait le long du trottoir de Chancery Lane. Une femme en descendait, relevant ses jupes. Elle était grande, jeune, gracieuse, élégante, avec un joli sourire, et de clairs yeux bruns qui se reposèrent sur l'homme arrêté à la contempler. Et, subitement intriguée, elle plissa le front, s'arrêta au milieu de la chaussée. L'homme se détourna. Elle le suivit des yeux, reprit lentement son chemin, et pénétra dans les bureaux de M. Stephen Carlton Jr., mais un pli d'étonnement lui barrait toujours le visage. Harewood se dirigea vers le Strand. Il sentait rallumer en lui tous les feux de la haine, et son attendrissement d'un instant, déjà transformé en ce passionné désir de meurtre, qui était, depuis des années, tout ce qui lui restait de sensibilité. Une petite boutique, où des objets d'occasion étaient en montre, l'arrêta soudain. Il parcourut des yeux les vitrines et entra. « Combien le petit revolver ? » s'informa-t-il. Le marchand retira l'arme de l'éventaire. « 15 shillings 6 pence, répondit-il, en posant le revolver sur le comptoir. « Une jolie petite arme, et comme neuve. » Harewood prit à son tour le revolver qu'il examina. « Et les cartouches ? » ?»« Vous trouverez ça chez un armurier. J'en ai bien 3 ou 4 qu'on m'avait apporté avec l'arme. Je puis vous les donner si vous y tenez. » Ayant fourragé dans une grande boîte d'articles dépareillés, le marchand finit par en retirer les cartouches. « Je les ai là depuis quelque temps, » dit-il. « J'espère qu'elles feront votre affaire. » Harewood inséra les cartouches dans les chambres du barillet, mit le revolver dans sa poche, plaça le souverain sur la table et, sans mot dire, gagna la porte. Dehors, il eut un étourdissement, vacilla et, s'étant arrêté, songea tout à coup qu'il n'avait rien pris de la journée. Sa main tremblait comme celle d'un homme ivre. À contre-cœur, il traversa la rue pour entrer dans un petit restaurant. C'était une perte de temps, mais nécessaire. Quand il en ressortit, une demi-heure plus tard, il reprit sa marche avec une décision renouvelée d'un pas plus rapide. Quelques instants lui suffirent pour se retrouver devant le petit square de Chancery Lane et se présenter au garçon de service dans les bureaux de M. Stephen Carlton, Jr. « Monsieur Carlton sort de table, » dit le jeune homme. « Vous avez un rendez-vous ?»« Oui, » répondit Harewood. Le garçon consulta son livre. « Rien de noté à votre nom, il me semble. Pourriez-vous me préciser une date ?»« Oh, » dit Harewood, renfrogné. « C'est une vieille date. »« Trop vieille, pour que vous vous rappeliez. » « Prévenez M. Carlton que M. Harewood désire le voir tout de suite. » Le nom, entendu cette fois des autres employés, provoqua un léger mouvement d'intérêt, sans qu'il vînt pourtant à l'esprit de personne d'établir une relation entre le visiteur actuel et l'ancien associé de la maison. Harewood n'eut pas beaucoup à attendre. On le fit monter, et les genoux lui tremblaient dans ce parcours familier. On l'introduisit dans le cabinet qui avait jadis été le sien. Stephen Carlton, levant les yeux, l'accueillit d'une brève inclinaison de tête. « J'ai cru comprendre que vous désiriez me voir. Je suis M. Stephen Carlton, mais je n'ai pas bien saisi votre nom. » L'employé s'était retiré, fermant derrière lui la porte. Harewood s'assit très calme en face de son jeune interlocuteur. « Je m'appelle Harewood, » dit-il. D'un bout de la table à l'autre, ils se regardèrent. Carlton, d'abord, laissa percer sur son visage l'étonnement et le doute. Puis il se fit en lui une lumière subite. « Mon Dieu » s'écria-t-il. « Seriez-vous Julien Harewood ?»« Julien Harewood, oui. » Le jeune homme tendit vivement la main. « Voilà qui est agir par surprise. Laissez-moi vous le dire. Je suis très heureux de vous voir. Nous ne supposions pas que ce dût être si tôt. » Du même œil qu'il aurait eu pour un objet empoisonné, Harewood considéra la main offerte. Lentement, Carlton la retira. « Vous n'allez pas me tenir rigueur, monsieur Harewood, » dit-il d'un ton de franchise. « Je sais que mon père a mal agi envers vous, mais c'était avant mon entrée dans la maison. Je sais encore assez, » commanda Harewood. Il tira de sa poche le revolver qu'il se mit à palper avec une sorte de tendresse. « Je suis sorti de prison ce matin, » poursuivit-il lentement. « Je n'avais qu'un désir en me retrouvant dans la rue. » Je n'en ai eu qu'un seul tout le temps de ma détention. Tuez, avant la nuit, quelqu'un de votre nom, vous ou un autre. « En quoi vous ai-je fait injure, monsieur Harewood ?» demanda le jeune homme, sans se départir de son sang-froid. « Vous êtes le fils de votre père, » répondit Harewood. « Regardez-moi. Je ne suis plus qu'une ruine, une misérable carcasse humaine sans âme et sans cœur. Je suis ce que m'a fait votre père. » Heureusement pour lui, il est mort. Malheureusement pour vous, vous vivez. Le fils de Stephen Carlton. Moi aussi, j'avais des enfants. Dieu sait ce qu'ils ont pu devenir. J'avais une femme, morte aujourd'hui, j'espère. Dépêchez-vous de faire vos prières, jeune homme. Un mot suffira. Il y a quelques heures, je craignais que la force me manquât d'accomplir cet acte. Je tremblais d'avoir à vous tuer de mes mains. Le hasard bienheureux m'a fourni de quoi acheter cette arme. Malédiction sur vous, Stephen Carlton. Il leva le revolver et, visant Carlton, pressa la détente. Le barillet rendit un son creux. Harewood renouvela sa tentative. Pour la seconde fois, le marteau claqua sur du vide. Carlton, d'abord paralysé par l'imprévu de l'attaque, bondit, empoigna son agresseur. Le revolver tomba sur la table. Harewood! « S'écria-t-il, perdez-vous la tête ?» Harewood semblait pétrifié. Que son arme dût le trahir, il n'avait pas imaginé cette hypothèse, ni prévu cette catastrophe. Il se laissa jeter sur son siège. Carlton le dévisageait avec stupeur. « Je vous reconnais !» s'écria le jeune homme. « Vous êtes le passant qui, tout à l'heure, dans Pall Mall, ramassait un souverain que j'ai laissé tomber. Est-ce cela que vous avez payé avec ma pièce ?» Et il désigna le revolver. « Oui, » répliqua machinalement Harewood, « cela et un peu de nourriture. Plût à Dieu que je n'eusse pas trouvé cet or. Je vous aurais sûrement tué. » Le jeune homme se passa la main sur le front et fut à peine surpris de le sentir moite. « Tué, monsieur Harewood, vous auriez donc tué votre gendre ?»« Voilà 2 ans que j'ai épousé Louise. Conscient des torts de mon père, j'ai fait le possible pour les réparer. » Je n'y ai pas réussi autant que je le méritais. Vous trouverez ici de l'argent, une vie nouvelle. il n'est personne de votre famille qui ne doive se réjouir de vous revoir, et ne pense que votre condamnation a été ridiculement sévère. Nous avons, ces 12 derniers mois, multiplié les démarches pour votre mise en liberté. Si nous n'avons pas pu vous le faire savoir, n'en accusez que vous-même. Nous avons essayé vainement, de tous les moyens. Une minute. Il alla ouvrir une porte donnant sur une pièce voisine, et il appela quelqu'un. Harwood porta son revolver à sa tempe. « Il faudra bien, » murmura-t-il, « qu'il y en ait une de bonne. » Il appuya sur la détente. Une fois de plus, le marteau n'éveilla qu'un son creux. « La dernière, » fit-il entre ses dents. Il arqua le doigt, mais brusquement, l'arme lui fut arrachée de la main. Il se retourna. Une femme était à ses genoux, la même qu'il avait vue descendre de voiture. Elle lui fermait ses bras autour du cou. Elle lui jetait en désordre d'incroyables, de miraculeuses paroles. Lui vacillait sur son siège. Il sentait un nœud à sa gorge, du feu sous ses paupières. À présent, le passé s'en allait, pour lui, dans un torrent de larmes brûlantes, et rien ne le retiendrait plus. Un cauchemar se dissipait. Carlton, le revolver à la main, alla vers la fenêtre ouverte sur le square. Distraitement, il pesa sur la gâchette. Une détonation retentit. Il resta tout d'une pièce. La quatrième cartouche avait été la bonne. À travers le mince nuage de fumée, il lui sembla voir un souverain, en bas, dans le ruisseau. Ainsi s'achève l'instant de la vengeance par Edward Phillips Oppenheim.